La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, poésie et science se parlent-elles ? En 1960, Alexis Léger, dit Saint John Perse, fut le lauréat du prix Nobel de littérature. La locution qu'il prononça le 10 décembre de cette année-là, lors de la cérémonie de remise des prix, est entièrement consacré au rapport entre science et poésie. De la pensée discursive ou de l'ellipse poétique, se demande l'écrivain, qui va plus loin et de plus loin? Et de cette nuit originelle où tâtonnent deux aveugles nés, l'un équipé de l'outillage scientifique, l'autre assisté des seules fulgurations de l'intuition, qui donc plutôt remonte et plus chargé de brèves phosphorescences? La réponse n'importe, le mystère est commun. Fin de citation. Mais comment comprendre ces phrases? Quelle est leur pertinence? Avec quelle sorte de verbe peut-on leur donner du corps, de la chair, du souffle? Voilà les questions que je vais poser à notre invité, Léon Bonafé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien, auteur. Vous vous définissez parfois comme un bavard professionnel. Ça arrive, oui. Les auditeurs de France Culture vous connaissent bien. Vous intervenez régulièrement dans la conversation scientifique lorsqu'elle se déroule en public au Théâtre de la Ville. Votre mission consiste alors à lire des textes choisis par vous-même afin, dites-vous, de déconfiner nos neurones en les propulsant à travers la stratosphère à l'aide de trampolines poétiques, caustiques, rythmiques, voire absurditiques. J'ai bien dit ? Oui, je crois que c'était exactement ça. Et je vais continuer à le faire aujourd'hui, mais ce sera avec moi-même en invité. Donc on va voir ce que ça donne. Vous êtes par ailleurs très connu, mais les auditeurs le savent moins, pour vos travaux théoriques de premier plan sur l'indétermination quantique de Heisenberg appliquée à l'optimisation de la cuisson des œufs à la coque dans les conditions normales de température et de pression. Vous êtes également connu pour vos recherches très avancées sur les amours forcément contrariés des atomes ambidextres, et encore pour vos calculs relativistes et néanmoins analytiques de la vitesse de propagation des ondes trochoïdales de choc dans un canal peu profond. C'est exactement ça, malheureusement je ne peux pas trop en parler. Parce que toutes vos recherches sont désormais classées secret défense dans tous les pays du monde. Absolument. Notre programme d'aujourd'hui, Léon Bonafé, c'est de voir si, lorsqu'on frotte la poésie à la science, cela peut faire des étincelles ou autre chose. Vous avez une heure et carte blanche. Par quoi commencer? J'ai une anecdote à vous raconter. Ah bah voilà. C'est celle d'un monsieur qui se promène dans la province, dans la campagne irlandaise, qui est complètement perdu. Il finit par rencontrer un promeneur auquel il demande « Est-ce que vous savez comment on peut aller à Dublin ?» Et le promeneur lui répond « Oui, bien sûr, mais c'est pas du tout d'ici qu'il faut partir. » Alors, d'où est-ce que vous allez partir? Eh ben, je vais essayer de partir du mauvais endroit. Je pense que c'est la meilleure façon de se retrouver en poésie quelque part, puisque il s'agit, je pense, peut-être c'est un point commun entre la poésie et la science, de se perdre à un moment, de s'autoriser à se perdre, parce que si on reste sur les chemins balisés, on tue la réflexion dans l'œuf quelque part. Et je pense que le problème est le même pour la science et la poésie. Donc d'où je vais partir, j'ai plein de voilà, je suis venu accompagné de plein de poèmes que j'ai sur papier, que j'ai sur des livres, que j'ai dans la tête. Et voilà, donc je pense que nous allons procéder peut-être déjà nous-mêmes à une expérience poético-scientifique, hein, puisque comme j'ai pris voilà beaucoup trop de textes, que nous avons un temps limité. Oui, sur la centaine qui sont étalées sur la table. C'est ça, il faudra faire un choix. Ouais, voilà. Et c'est le problème, hein, c'est qu'on faut peut-être aussi le dire aux gens tout de suite, c'est que vous aviez préparé des questions, moi j'ai préparé des réponses, mais comme on s'est pas concerté du tout, on n'a aucune idée de où tout ça va nous mener. Absolument, mais j'ai confiance. Voilà. Et ben, écoutez, je propose de commencer par un texte qui n'est pas d'un poète, un texte qui est signé de Trinh Duan Chuan, qui est l'introduction au livre Le chaos et l'harmonie. Un beau jour de printemps à Paris. Dans un café, un homme savoure une bière tout en lisant son journal. À la table d'à côté, une femme boit son café tout en regardant déambuler les piétons. Ils ne se sont pas vus. Tout à coup, l'homme tourne la tête et son regard croise celui de la femme. Se déclenche alors une série d'événements. La lumière dorée du soleil, réfléchie par le corps svelte de la femme, pénètre dans les yeux de l'homme. Voyageant à la vitesse de 300 000 km à la seconde, 10 000 milliards de particules de lumière, appelées photons, s'engouffrent chaque seconde dans chacune de ses pupilles, traversant d'abord un corps ovale, appelé cristallin, puis une substance transparente et gélatineuse, avant d'aboutir sur la rétine. Dans la rétine, 5 millions de cellules en forme de cônes et 100 millions d'autres en forme de bâtonnets entrent en action. Les cônes sont sensibles aux fortes intensités lumineuses et sont responsables de la vision en couleur le jour, tandis que les bâtonnets ne fonctionnent qu'aux faibles intensités lumineuses et sont responsables de la vision monochrome la nuit. Certaines cellules reçoivent une grande quantité de lumière, celle qui provient des zones brillantes du corps de la femme. D'autres reçoivent moins de lumière, celle qui provient de zones plus ombragées du corps de la femme. Chaque cône et chaque bâtonnet contient des pigments. Chaque molécule de pigment est à son tour composée de 20 atomes de carbone, de 28 atomes d'hydrogène et d'une molécule d'oxygène. Ces molécules enregistrent la lumière en effectuant une sorte de balai étrange. Au repos, quand elle n'est pas activée par la lumière, la molécule de pigment est rattachée à une protéine et est toute recroquevillée. Mais quand une particule de lumière la frappe, cette molécule se sépare de la protéine et se redresse. Un certain temps passe, et elle se recroqueville de nouveau en attendant l'arrivée de la particule de lumière suivante. Tous ces événements ont pris moins d'un millième de seconde depuis que le regard de l'homme s'est posé sur la femme. Pourtant, l'homme n'est toujours pas conscient de la présence de la femme, puisque l'information contenue dans les particules de lumière n'est pas encore parvenue à son cerveau. La danse des molécules dans la rétine va mettre en branle des neurones, d'abord dans les yeux, puis dans le cerveau. Les molécules à la surface des neurones changent de forme, bloquant le flot des ions, particules chargées positivement, de sodium, dans le liquide qui les entoure, et provoquant un courant électrique qui se propage de neurone en neurone depuis l'œil jusqu'au cerveau. Dans le cortex cérébral, chaque neurone fait la synthèse de l'information transmise par un millier de neurones avant de retransmettre à son tour l'information analysée à un millier d'autres neurones. Une grande partie des centaines de milliards de neurones du cerveau de l'homme, connectés ensemble par des circuits d'une complexité inouïe, se mettent au travail pour traiter l'information. Les flots de potassium et de sodium s'arrêtent selon qu'ils sont bloqués ou non par les neurones. Les courants électriques ne cessent de parcourir les circuits neuronaux, déclenchant des bouffées de molécules qui se propagent des signaux qui vont à leur tour exciter d'autres neurones. Le courant crépite de partout. Au bout de quelques millièmes de seconde, l'image est reconstruite dans le cerveau de l'homme. Il voit enfin la femme. Celle-ci tourne la tête, rencontre le regard de l'homme, esquisse un sourire et lance un « bonjour ». Immédiatement, une multitude de molécules d'air se mettent en branle. Leurs vibrations transmettent le son des cordes vocales de la femme aux oreilles de l'homme. 2 mètres les séparent. Et le son arrive 1/150 de seconde plus tard. Le tympan de chaque oreille de l'homme se met aussi à vibrer. Les vibrations sont transmises au liquide dans le limaçon, qui, comme son nom l'indique, a la forme en spirale d'une coquille d'escargot. Le déchiffrage des sons se fait ici. Une membrane mince se met à osciller de concert avec les vibrations du liquide. Dans cette membrane se trouve une multitude de fibres d'épaisseur inégale, telles les cordes d'une harpe. Cette harpe est modulée par la voix harmonieuse de la femme et va restituer à la fois le ton grave de la syllabe « bon » et le ton plus aigu de la syllabe « jour ». Finalement, les sons sont transmis au nerf auditif qui passe l'information au cortex cérébral. L'homme entend le « bonjour » de sa voisine. Tous ces processus sont bien connus. Les progrès de la neurobiologie dévoilent chaque jour un peu plus les secrets du cerveau. Mais ce qui n'est pas du tout compris, c'est le processus qui fait naître la pensée traversant l'esprit de l'homme comme un éclair. Quelle est belle ! Merci Léon. Donc c'est un texte écrit par un scientifique, hein, Trinz Antoine, qui est astrophysicien. Est-ce que vous l'avez choisi parce que, à vos yeux, c'est de la poésie scientifique, ou est-ce que c'est plutôt de la science qui serait dite de façon élégante? Peut-être qu'il y a un peu des deux, mais ce serait plutôt la deuxième. C'est-à-dire que je pense qu'il pose pas mal les bases du problème. C'est qu'on peut décortiquer, analyser tant qu'on veut. On peut rationaliser tous les éléments de connaissance qu'on a sur les choses, il y a toujours une partie qui nous échappe. Et la poésie, d'une certaine façon, va aller s'emparer de tout ce qui nous échappe. Et je dirais, par rapport à ce qu'il dit à la fin sur l'homme qui pense qu'elle est belle, la poésie ne va pas plus que la science expliquer ce qui se passe dans la tête de l'homme ou de la personne qui pense que cette personne est belle. Mais elle va proposer un nombre d'angles de vue, de façon de le penser, de façon de dire à quelqu'un « comme tu es belle, comme tu es beau, comme je t'aime », qui permet de d'élargir l'horizon de la pensée. Est-ce que vous savez que Voltaire était contre ce genre de stratégie? Il a écrit « Rien n'est plus déplacé que de parler de physique poétiquement et de prodiguer les figures, les ornements, quand il ne faut que méthode, clarté et vérité. » Autrement dit, il reprochait à la poésie son pouvoir de séduction dans un domaine qui doit moins charmer qu'instruire. Ben, c'est une question, mais je pense que vous-même, en tant que vulgarisateur scientifique, vous la connaissez, c'est qu'il y a... Alors, je pense que l'erreur, peut-être, ce serait de penser que la poésie est là pour charmer, de penser que la poésie est quelque chose de, comme un habillage ou quelque chose qui serait de rendre les choses jolies. C'est pas du tout le cas. La poésie est extrêmement concrète. Et quand elle est appliquée, si elle est appliquée à la science, c'est pour permettre, comment dire, d'emmener les choses plus loin quelque part et de donner encore une fois c'est une question, je pense, d'angle de vue, d'éclairage, de comprendre les choses d'une façon différente, puisque surtout maintenant, on en est conscient, avec les avancées de la science, on n'a pas accès, quand on est novice, à tout ce que ça implique, des choses comme la physique quantique, comme la relativité générale ou restreinte. Mais un bon vulgarisateur, un bon poète... Vous diriez que la littérature scientifique, c'est déjà de la littérature, finalement? Bah oui, bien sûr. Donc elle doit être bien écrite? Il y a les deux, c'est-à-dire qu'il en faut une très spécialisée, très précise, qui peut pas se permettre forcément de... Mais je pense que il y a toute une partie, c'est important de pouvoir transmettre à des néophytes, de donner un premier accès à la science, parce que c'est une question de dialogue, c'est un problème qu'on a actuellement, on le voit, il y a beaucoup de problèmes de compréhension sur ce qui est scientifique, ce qui ne l'est pas, sur la question de la preuve, et si les scientifiques ne font pas parfois l'effort d'amener les connaissances et il s'agit pas de les simplifier, il s'agit de les dire différemment, de donner une porte d'accès, forcément, l'incompréhension ne va faire qu'augmenter. Mais j'aimerais avoir votre réaction, Léon Bonnafé, à une remarque qui avait été faite à ce micro même il y a quelque temps, par Alain Badiou, le philosophe, qui expliquait que les mathématiques, et la poésie sont à deux extrémités opposées du langage. Et que malgré cette opposition, ces deux formes du langage accèdent à l'universalité. Je le cite, il a dit, la poésie est ce qui fouille dans le langage pour le contraindre à nommer ce qu'antérieurement il n'arrivait pas à nommer. Et la poésie s'énonce dans la singularité d'une langue jusqu'à sa limite, jusqu'au hors-langue, alors que les mathématiques procèdent d'emblée à l'extérieur de la singularité des langues. C'est deux voies complètement différentes d'accéder à l'universel. Ouais. La première voie, c'est creuser. La deuxième, c'est de s'extraire du langage. Oui, bah il y a des. Mais est-ce que je sais pas si c'est. Voilà, est-ce que ça les met à des opposés? J'en suis pas sûr, parce que là, je pense que la poésie va toujours dans les deux sens. Elle creuse, mais elle se dégage en même temps. Elle explore plein de directions. Après, il faut aussi, je pense, élargir le champ. La poésie ne se préoccupe pas que de la science, et c'est peut-être là où elle peut se retrouver, c'est sur un rapport à la réalité. Ça rejoint un peu ce qui est dit là, c'est-à-dire que ce qui nous touche, je crois, chez les grands poètes, et comme ce qui est fascinant chez certains grands scientifiques, c'est une capacité à voir au-delà des apparences du réel. Et alors chez les scientifiques, ça va être des avancées comme la physique quantique, typiquement, des choses comme ça, qui dépassent l'instinct ou l'entendement. Et chez les poètes, c'est une capacité à toucher à des choses de l'humanité, à des choses de nos ressentis qui parlent à tous, mais d'une façon différente à chaque fois. C'est ce qui fait que la poésie, la bonne poésie, ne vieillit pas. C'est qu'il y a quelque chose qui, à chaque fois qu'on la lit, à chaque fois qu'on la relit, elle nous raconte autre chose, elle nous raconte une autre histoire. Et c'est une des grandes forces de la poésie. Est-ce que vous avez un petit texte à nous lire, Léon ? J'en ai tellement. Alors, parmi les 250 qui sont là. Peut-être, mais oui, commençons par Les Fondamentaux avec Raymond Queneau, qui nous rappelle que bien placé, bien choisi, quelques mots font une poésie. Les mots, il suffit qu'on les aime pour écrire un poème. On ne sait pas toujours ce qu'on dit lorsque naît la poésie. Faut ensuite rechercher le thème pour intituler le poème. Mais d'autres fois, on pleure, on rit, en écrivant la poésie. Ça a toujours quelque chose d'extrême, un poème. C'est la fin du poème, mais c'est aussi un poème de la poétesse polonaise Szymborska, que j'aime beaucoup, qui dit « Certains aiment la poésie », qui est une autre façon de parler de la poésie. Certains, donc pas tout le monde, même pas la majorité de tout le monde, au contraire. Et sans compter les écoles, on est bien obligé, ainsi que les poètes eux-mêmes. On n'arrivera pas à plus de 2 sur 1000. Aime. Mais on aime aussi le petit salé aux lentilles. On aime les compliments et la couleur bleue. On aime cette vieille écharpe. On aime imposer ses vues. On aime caresser le chien. La poésie. Seulement, qu'est-ce que ça peut bien être ? Plus d'une réponse vacillante furent données à cette question. Et moi-même, je ne sais pas bien, et je ne sais pas, et je m'y accroche comme à une rampe salutaire. Là, je crois qu'il y a peut-être quelque chose aussi de un point commun. Les poètes s'interrogent beaucoup sur ce qu'est la poésie, les poètes et les poétesses. Je pense que j'ai le sentiment que les scientifiques aussi, c'est peut-être vous qui pourrez me répondre. À ce qu'est la science, oui. À ce qu'est la science. Moins à ce qu'est la poésie. Et d'ailleurs, ces textes me font penser à... C'est un tropisme chez moi, à Gaston Bachelard, ouais. Dont l'œuvre a deux versants. Il y a un versant épistémologique, il s'intéresse à la raison scientifique, à ce qui la féconde, à ce qui la transforme. Et puis un second versant, qui est un versant littéraire, il s'intéresse à ce qu'il appelle l'imagination poétique. Et il fait remarquer que, a priori, raisonner et imaginer se présentent comme deux dynamiques en apparence contraires. Le savant se doit de résister à la pente imaginative du langage, pour élaborer rigoureusement ses concepts. Le poète, lui, doit échapper à la structure simplement logique du langage pour produire des métaphores inouïes. Mais en réalité, explique Bachelard, la raison scientifique et l'imagination poétique agissent de conserve, puisqu'elles ont en commun de mettre l'esprit en branle, de ne pas se satisfaire des évidences premières, et surtout de se défier du sens commun. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. On doit se méfier des apparences. Se méfier des apparences, enfin en tout cas ne pas s'y arrêter. Après sur la question de ce qu'ils disent sur c'était quoi, c'était dépasser la logique de la langue ou ne pas ouais, ne pas se réduire à la logique de la langue. Alors oui, et en même temps, c'est ça qui est beau. On pourrait dire que la poésie non seulement parle avec la science. Alors de quoi parle-t-elle ? Ça c'est une autre question. Si elle parle ensemble, de quoi parle-t-elle ? Je pense qu'elle parle d'autre chose parce que la poésie parle toujours d'autre chose, quel que soit le sujet. Mais si elle se parle, on peut dire que la poésie est aussi une science. C'est une science dans la mesure où elle a des outils qui peuvent être la logique de la langue. Et tout le travail des poètes, c'est de déconstruire cette logique. C'est de jouer avec ces règles, avec les règles, que ce soit les règles de la poésie, qui sont au départ la rime, les assonances, le travail sur le son, de les maîtriser pour les déconstruire. Et c'est comme ça, alors là... Et juste, est-ce que vous êtes capable, vous, de Léon Badafé, de reconnaître la poésie ? C'est-à-dire, devant un texte, de dire, ce texte, c'est de la poésie ou bien ça n'en est pas ? Est-ce qu'il y a un critère simple ? Je pense pas qu'il y ait un critère simple. Je pense qu'il faut... Il y a deux extrêmes dont il faut se méfier. C'est qu'il y a celui qui serait de croire que ça, si ça rime, c'est de la poésie. Alors que ça peut rimer et ne pas être du tout de la poésie. Et inversement, penser que si ça ne rime pas, si c'est de la prose, ce n'est pas de la poésie. Je pense que la poésie, c'est une façon d'appréhender le monde. Ce qui fait que ça peut être... Il peut y avoir de la poésie dans une image. Il peut y avoir de la poésie dans un film qu'on voit. Et je pense que c'est un rapport au monde et c'est un rapport de soi à ce qu'on constate. C'est-à-dire que la poésie, je crois que c'est aussi une chose importante, elle n'existe que dans le dialogue et dans l'échange. Donc, beaucoup dans l'oralité, c'est un art de l'oral, ne l'oublions pas. Et c'est comme ça qu'elle prend sens. Donc à partir de là, c'est dur d'avoir un critère simple puisque c'est un rapport de soi à une image, à quelque chose. Mais alors, il faut une voix pour la dire ? Très souvent, oui. Alors après, en travaillant autour de la poésie, il y a certains poèmes, on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement durs à dire, à faire entendre. Ils ont besoin. Il y en a qui jouent sur des apparences visuelles, mais je crois que parfois, oui. Moi, quand je travaille autour de la poésie, quand je lis des recueils, je me dis, c'est normal que les gens ne lisent pas de poésie. C'est compliqué à lire la poésie. Quand on lit tout un recueil, il y a plein de poèmes qui nous parlent pas forcément. Et je trouve que c'est un vrai travail de choisir les textes qu'on a envie de porter, de les faire entendre parce que c'est une interprétation, on choisit de faire résonner telle ou telle chose, mais la poésie, c'est un travail du son. Et le son, moi, en tant que comédien, c'est mon métier de travailler sur le dire, sur s'emparer des mots. Et la poésie est un dialogue entre le son et le sens. C'est le langage qui cherche à aller au-delà du langage, mais en se servant des éléments du langage. C'est une espèce de contradiction permanente. La poésie, elle fait un travail impossible. Dépasser le langage par le langage. Et en les portant, en les parlant, ces textes, on peut essayer de faire entendre. Là encore, c'est un frottement, cette possibilité d'aller plus loin, d'entendre 2-3 choses à la fois, et d'entendre à chaque fois quelque chose de différent, et quelque chose de différent selon la personne qui écoute aussi, chacun va se l'approprier différemment. Et c'est quelque chose que je trouve très fascinant dans la poésie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte poétique qui soit fondamentalement univoque ? Ah non, je pense même que c'est l'antithèse, c'est là où un texte univoque... Ah, peut-être, voilà, on peut faire un critère, comment dire, on peut le prendre dans l'autre sens. Un texte univoque me paraît difficilement être poétique, parce que tout ce qui ferme le sens va à l'encontre de ce qu'est la poésie, qui ouvre des zones de... Je dirais même qu'il ouvre des zones de doute. Là encore, on pourrait dire que c'est un point commun avec la science, puisque plus on apprend, plus on découvre de choses sur l'univers, plus on apprend ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ignore. Et j'ai le sentiment que la poésie parfois fait la même chose. Elle va explorer les zones d'ombre de la conscience humaine, elle va explorer les doutes qu'on a, et elle en appelle d'autres. Et la poésie naît de ces zones de doute, et c'est pour ça qu'on peut tous s'en emparer. C'est qu'elle est dans ces flous qu'on partage en tant qu'espèce humaine, on pourrait dire. Dans ces endroits d'incertitude. Donc elle n'a pas la vérité pour objet. Je crois pas. Plutôt le problème, le mystère. Oui, je pense que oui. Alors là, pour le coup, vous êtes d'accord avec Baudelaire. qui a dit « La poésie ne peut, sous peine de mort ou de défaillance, s'assimiler à la science ou à la morale. Elle n'a pas la vérité pour objet, elle n'a qu'elle-même. Oui. Il me semble que ça fait écho à ce que vous venez de dire. Oui, bien sûr, ça fait écho. C'est que le risque, ce serait de croire que de dire elle n'a qu'elle-même pour objet, de croire que c'est que la poésie est auto-centrée, ce qui n'est pas le cas, mais en effet, c'est ce rapport de la langue à la langue. En effet, il y a quelque chose de... C'est en faisant se frotter les mots entre eux que surgissent des choses, comme vous parliez dans le chapeau introductif de ce qui se passe quand on frotte la poésie et la science. Qu'est-ce qui se passe aussi quand on frotte la poésie et la poésie, quand on frotte les mots aux mots. Est-ce que vous avez un autre exemple de frottement? Alors j'avais, je ne peux pas m'en empêcher, un poème du grand monsieur qui est Jean-Pierre Verhaeghen, ce poète belge incroyable. Je crois que vous êtes fan. Je suis un peu fan, ouais. Dans les poètes actuels, pour moi, il fait... Voilà. Alors lui, dans le genre de personne qui s'empare de la langue et qui la fait résonner incroyablement, il est... Voilà. Et il parle justement de ce qu'il fait dans ce texte qui s'appelle Poème, presque poème. On l'aura sans doute remarqué, je fais de l'à peu presque poésie. J'aligne, sans trop fatiguer, des à peu près poèmes en série. Je fais dans l'approximation bien nourrie, dans l'approximation des sens, jusqu'à, mettons, Pont-Sainte-Maxence. Au-delà de Compiègne, il faut que je me retienne tant il est difficile qu'on me comprenne. Et pour ce qui est des sons, dans l'approximation du côté de Pont-à-Mousson, quand ce n'est pas entre Valence et Vaucresson. Le reste est juste une question de science, de la confusion et d'entretien de la raison. Au fond, je vis constamment en approchis, si j'ose dire, ce qui d'ailleurs fait chier pas mal de mes honorés confrères. En embuscade, à l'orée, à l'oreille. À l'orée et hardi quand je grossis les choses, ou à l'orel et radi quand je les rétrécis. Au guet, comme une madame guette au trou, je guette au rire et j'écoute au rictus. Je m'accouche douloureusement entre comiquerie et mélancolie. L'ai-je dit, je suis moi aussi un auteur mélancomique. Alors, merci, non, mais est-ce que ce poète que vous citez souvent, que vous lisez souvent, s'intéresse à la science? Est-ce que vous le savez? Il utilise le mot science, il l'a d'ailleurs fait dans le poème que vous avez lu, mais est-ce que c'est un sujet de réflexion, de poésie pour lui, ou est-ce que c'est complètement étranger? Je pense que c'est pas complètement étranger, j'ai déjà rencontré quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais alors, je pense qu'il s'intéresse parce que c'est un curieux, c'est quelqu'un qui va explorer partout et qui est très curieux des choses et qui joue. J'avais lu sur des rencontres qu'on avait fait, son texte s'appelle Cyber, tout est cyber. Oui, il parle du rapport au langage SMS, etc. Donc pour lui, tout est source d'intérêt, de curiosité poétique. Donc je pense qu'il s'intéresse en tout cas à sa façon. Il va aller piocher dans des choses de la science. Après savoir à quel point il est érudit dans ce domaine-là, ça je ne peux pas répondre pour lui. Malheureusement. Et est-ce que vous pensez que la poésie, parfois, trouve le moyen de dire de façon très très synthétique des sortes de vérités de science? Par exemple, quand Victor Hugo, on en reparlera parce que je crois que vous avez beaucoup travaillé. Quand Victor Hugo écrit « Tout l'infini frémit d'un atome qu'on touche », à une époque où l'atome a une existence incertaine, et il découvre là ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'effet papillon, qui est une toute petite cause, engendre de multiples effets. Hugo, c'est une grande passion pour Hugo, ce qui est pas forcément original, mais il a une, c'est l'exemple parfait. Il a typiquement une capacité en quelques mots. Alors, ça l'empêche pas d'en utiliser beaucoup. Il adore ça aussi, mais en quelques mots d'ouvrir des champs d'imaginaire, de pensée et de toucher à des choses incroyables. Je crois que lui, il a vraiment ouvert des portes. Mais peut-être, j'ai un texte de lui quelque part ici. Mais avant que vous lisiez, je me suis laissé dire qu'en ce moment, vous proposez une déambulation poétique autour de Victor Hugo, justement, au Panthéon. La prochaine et dernière représentation, je crois, sera le 26 juin. C'est ça, la semaine prochaine, dans une semaine. Et ça consiste en quoi ? Alors, j'ai eu, là encore, une carte blanche. Ça m'arrive souvent, les cartes blanches, finalement. Parce qu'il y a l'exposition de la maison Victor Hugo qui est au Panthéon en ce moment. Pour faire une déambulation hugolienne, finalement. Donc j'accueille les gens dans la crypte, devant le caveau de Victor Hugo, et je les emmène. Ils ont des casques, moi je suis au micro. Donc comme un guide, le pire guide possible, je les emmène jusque dans les hauteurs du Panthéon. En leur parlant, j'ai construit toute une histoire, c'est tout un texte que j'ai écrit parsemé de poèmes de Hugo. Je leur raconte des choses de la vie de Hugo, et puis on part à la recherche de l'esprit de Victor. Et l'idée, c'est de faire entendre des choses de sa poésie qu'on connaît moins, parce qu'il a écrit tellement de choses qu'il y a toujours des choses à découvrir, et puis parler un peu de... En fait, tout est extraordinaire chez lui, il appelle le personnage, que c'est son côté à la fois complètement énorme et en même temps très, très terre-à-terre, très... puis drôle, il avait des choses incroyables. Quoi. Donc voilà, c'est une espèce de voyage avec Victor, avec beaucoup de tendresse pour Victor Hugo. Alors notamment ce texte et là, que vous allez lire. Ce texte qu'il faut retrouver dans les 250. qui s'appelle Les choses de l'infini et qui est dans le prolongement de la citation que vous avez faite. C'est un texte qui est paru que de façon posthume, mais qu'il a écrit, je crois, autour de 1870, je pense, quelque chose comme ça. On voit ça et là dans le ciel des pâleurs, des macules presque insaisissables. Quelque chose qui est de la lumière sans cesser d'être de l'ombre, d'indicibles apparences où il y a de l'aurore et où il y a du spectre. Ce sont les nébuleuses. Le soleil, c'est nous. Les planètes, c'est nous. Les constellations, c'est nous. L'étoile polaire, qui est à 76 millions de lieues, c'est nous. La Voie lactée, c'est nous. La nébuleuse, ce n'est plus nous. Telle étoile, dont la lumière ne nous parvient qu'en 100 000 années, et notre compatriote céleste. Elle habite le même firmament que nous. Elle est mêlée à notre disque stellaire. Elle est de la maison. La nébuleuse, c'est l'étrangère. Nos comètes ne vont pas là. Elle serait inquiète à cette distance et craindrait de ne plus savoir où retrouver nos soleils. Notre lumière y va, car la lumière sacrée, c'est le lien universel. Peut-être y a-t-il, pour faire le service de ces monstrueux espaces, des relais de comètes transatlantiques ignorés. La nébuleuse est un autre disque stellaire, composé lui aussi de ces milliards de soleils, et faisant une voie lactée dans un firmament inconnu. Herschel a compté plus de 2000 nébuleuses. Notre voie lactée est la cabane, les nébuleuses sont la ville. Au-delà du monde des planètes, il y a le monde des étoiles. Au-delà du monde des étoiles, il y a le monde des nébuleuses. Les lunes sont les satellites d'une planète, les planètes sont les satellites d'une étoile, les étoiles sont les satellites d'une nébuleuse. Les nébuleuses sont les satellites du centre ignoré. Autant la distance d'une étoile à l'autre surpasse la distance des planètes entre elles, autant la distance d'une nébuleuse à l'autre dépasse la distance des étoiles entre elles. Pour exprimer en chiffres la distance des planètes, on prend pour unité la lieue de 4000 mètres. Pour exprimer la distance des étoiles, on prend pour unité notre rayon solaire de 38 millions de lieues. Pour exprimer la distance des nébuleuses, il faut prendre pour unité le rayon stellaire, c'est-à-dire au minimum 7 milliards de lieues. La distance du Soleil à la nébuleuse la plus voisine et à la distance de la Terre au Soleil dans la proportion de 7 milliards de lieues à une lieue. Plus d'angles à calculer, plus de parallaxes à rêver. Ici, la géométrie arrive à l'épouvante. on sent l'accablement de la création inconnue. Incroyable. Voilà, lui... Incroyable ce texte, parce que d'abord il y a la langue que vous dites magnifiquement, mais il y a aussi cette idée, alors que les nébuleuses sont ce qu'on appelle aujourd'hui des galaxies, qui sont très éloignées de la nôtre. Alors moi, je ne crois pas me tromper en disant qu'on en a eu la preuve que dans les années 20 du 20e siècle, c'est Vesto Slipher et Edwin Hubble qui ont montré que les nébuleuses qu'on croyait à l'intérieur même de la Voie lactée, en fait, lui sont complètement extérieures. Donc il parle aussi des amas de nébuleuses, enfin des amas de galaxies, comme on dirait aujourd'hui. Il y a une espèce de préfiguration poétique de la science et en même temps une très bonne connaissance de la science, parce que sur le reste, il ne dit pas de bêtises. D'ailleurs, il n'en dit pas du tout. Mais c'est là, je crois que c'est aussi là, pareil, c'est toujours la même chose, c'est qu'il ne s'agit pas juste... On peut avoir des images de la poésie, je disais, de l'impression que c'est quelque chose de joli, ce qui est faux, c'est bien plus que ça. Et pareil, c'est pas juste « Ah, on a un imaginaire incroyable », c'est « On s'appuie sur le réel ». Contrairement aux clichés, je pense que le poète est ancré dans le réel, dans la réalité, et part de là pour aller d'autant plus loin. Plus il a de connaissances, plus il va pouvoir. Et c'est ce que fait Hugo à partir de ce qu'il perçoit. Il fait confiance à ses instincts qui étaient inhumains. Enfin, il est sur plein de choses, il est comme ça. Et il pressent des choses, quoi. Et il s'autorise. Il y a aussi cette chose-là, s'autoriser à penser différemment, à penser plus loin. Par exemple, il évoque les travaux d'Herschel. Ouais. Ça veut dire qu'il connaissait l'actualité scientifique. Ah, il s'y intéressait beaucoup. Il allait regarder la Lune aussi dans l'observatoire de Arago. Il s'intéressait à tout. Je crois que c'est dans la préface des Travailleurs de la mer où il regarde l'herbe à Jersey ou à Guernesey, puis il décrit tout du moindre insecte jusqu'au moindre brin d'air avec une précision d'entomologiste. Quoi. C'est ça. Alors, puisqu'il parle du cosmos, on va écouter un peu de musique des sphères. Musique des sphères. Un morceau que vous avez choisi, Léon Badafé. Mon père m'a dit un jour que j'étais en légère errance. Écoute-moi bien, fils. Aujourd'hui, quand on veut la lune, on n'est pas poète. On est cosmonaute. Mon papa, je m'en viens juste d'allunir. Je regarde si je vois pas la maison. Et je prends le temps de t'écrire pour te dire que t'avais raison. Mon scaphandre, il est pas nouveau, mais il sent très bon la sueur. Je te salue de chez mon boulot, le front déposé sur ton cœur. La bande à collègues et puis moi, on est content d'être cosmonautes. Au début, on avait les foies, mais on s'est tous collés aux autres. J'étais pas vaillant au labeur, mais d'Armentier à Baïkonour, j'ai tenté de jolier les heures, sachant que t'aurais tout fait pour. Aujourd'hui, dans ce grand bordel, j'essaie de gueuler en souriant et de tracer à tire-d'aile un dessin qui unit les gens. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Mon papa, je m'en viens juste d'allunir. Dis-moi si t'aperçois ma flamme, le plaisir que j'ai à divertir. Et salue ma maman, ta femme. Léon Bonafé, vous avez choisi cette chanson qui s'appelle Cosmonaute, écrite et interprétée par Loïc Lantoine. Donc si on veut la Lune, aujourd'hui, il faut être cosmonaute et non plus poète. Ça veut dire que la science, la technologie ont rattrapé la poésie. Mais ce qui est très beau, déjà quand on parle de poésie, voilà, Loïc Lantoine, pour moi, il fait partie. Donc il est auteur, compositeur, interprète, c'est un poète. Ses textes sont incroyables et il joue beaucoup sur les sons, sur le sens. Et là, c'est très beau parce qu'il commence avec cette phrase et puis il commence en disant « T'avais raison, papa, oui, maintenant il faut être cosmonaute. » Et il en fait un poème. Il fait un poème pour raconter ça, et je crois que c'est exactement ça, c'est que la poésie assume ses contradictions et fonce quand même, quelque part. Et ne s'arrête pas, donc elle sera toujours, je crois que c'est quelque chose de très premier dans l'histoire humaine, la poésie, et je crois que ça le restera. Donc elle ne veut pas être dépassée, je pense que même en étant sur la Lune, on a encore envie d'écrire des poèmes sur la Lune, et sur ce que ça fait de la voir depuis la Terre. Schelling pensait que les sciences et la philosophie sont sorties de la poésie et que toutes y retourneront. Donc la poésie serait l'avenir de la science, en fait. Je crois que ce que j'aime bien là-dedans, c'est l'idée du, on en revient là, du dialogue. Elles y retourneront. Non, je pense qu'elles n'arrêtent pas de revenir l'une à l'autre. Il y a une curiosité, il y a une curiosité commune. Alors je sais pas à quel point les scientifiques s'intéressent à la poésie, mais je pense qu'en tout cas, il y a une partie du monde scientifique qui s'intéresse à la langue, et à la beauté de la langue, et à la façon de dire les choses. Michel Gassé, par exemple, fait de la poésie, il écrit de façon poétique même la science. Hein. Voilà, et ou Bachelard. Il y a Jacques Reda, qui n'est pas scientifique, Reda, qui est poète, qui écrit beaucoup sur la cosmologie. Oui, typiquement Reda, qui utilise la forme poétique pour parler de choses très précises. L'énergie noire, il faudrait la repeindre en rose. Voilà. Oui, donc moi j'aime cette idée d'un dialogue et qu'elles se nourrissent l'une l'autre. La poésie permet de dire la science d'une façon différente, mais elle ne suffit pas à la résumer. Et la science alimente l'imaginaire des poètes, en fait, parce que ça ouvre, quand on lit des choses sur la physique quantique, sur l'univers, sur plein de choses, je trouve que ça ouvre l'imaginaire totalement. Et inversement, l'imaginaire, comme on le disait avec Hugo, il y a ça avec ces auteurs de science-fiction qui finalement parfois ont prévu des choses que les scientifiques ne se permettaient pas, ne s'autorisaient pas à rêver et qui se sont avérées vraies. Et je crois que cette autorisation que se donnent les poètes, les créateurs, les rêveurs à pousser plus loin les possibles de la science, elle leur permet parfois d'imaginer des choses, de prévoir des choses de façon très étonnante. Quelle est la suite de votre carte blanche, Léon Bonafé? J'ai plein de choses. J'avais un peu envie de parler de... Ce qui est drôle, c'est que les poètes... Il y a souvent des poètes qui écrivent quand même autour de choses scientifiques ou de personnages. Et là, j'ai un poète irakien, contemporain, qui est encore vivant, qui s'appelle Fadil Al-Azawi, qui écrit ce texte que j'aime beaucoup, qui s'appelle « La pomme de Newton ». Isaac Newton a passé sa vie à surveiller les arbres de son jardin jusqu'au jour où il a vu une pomme tomber au sol. À cet instant seulement, il s'est souvenu que ce qui le retenait à la terre n'était pas la loi de l'attractivité qu'il a découverte par hasard, mais l'espoir que la pomme tombe vers le haut. Voilà, alors je sais pas à quel point... Voilà, je trouve que c'est une belle sorte de dialogue entre la poésie et la science. Finalement, est-ce que les scientifiques ne rêvent pas de se tromper quelque part Je crois pas que Newton, enfin, j'en sais rien, mais je crois pas qu'il ait compris que quand une pomme tombe, elle ne sent pas son poids. Ah, ça, que les effets produits par la gravitation annulent leur cause, qui est la gravitation. C'est plutôt Einstein. Einstein qui va vraiment théoriser ça sous la forme du principe d'équivalence. Quand on est en chute libre, on ne sent pas son poids. C'est ça. Mais finalement, voilà, on pourrait dire que ce peut-être. Et de là avoir un point négatif. Non, pas négatif. Oui, c'est ça. Mais quand même. Voilà, peut-être que le rêve de Newton amène l'exercice de pensée d'Einstein qui se dit, voilà, quand je tombe, je n'ai plus de poids. C'est déjà magique. Et René Nobal qui a écrit Le Mot Analogue, je ne sais pas s'il est considéré comme un poète. Hein. Si, oui. Dans Le Mot Analogue, il utilise ce qu'il a compris de la relativité générale d'Einstein comme trame de son roman. C'est une montagne qui est tellement massive qu'elle déforme l'espace-temps dans son voisinage, de sorte que son sommet est invisible. Donc il y a une cordée qui se met en route pour atteindre le sommet qu'on ne voit pas. Mais je trouve que c'est une source d'inspiration pour les auteurs. Chez Alain Damasio, il y a beaucoup ça aussi. Je trouve qu'on sent qu'il y a beaucoup de choses de science qui sont intégrées. Il en fait quelque chose de très poétique et en même temps de très précis. Dans ce livre qu'il y a cette définition de l'homme que je trouve tout à fait juste. L'homme est un bipède sans plumes, inapte à l'intellection du nombre pi. C'est très beau. J'ai un peu envie là d'en profiter sur le rapport peut-être à la façon dont les poètes peuvent dire la nature. C'est-à-dire qu'un scientifique va décrire la nature. Là, j'ai ici un poète qui s'appelle Jacques Demarc, qui fait des choses assez extraordinaires puisqu'il a observé les oiseaux. Donc, il a fait, on peut dire, un travail scientifique, d'ornithologue presque. Et il s'est dit, je vais retranscrire la langue des oiseaux en poésie. Voilà, je vais vous lire deux oiseaux. L'ortolan, d'abord. Trululu, trululu, tru. Le surplus de trucs que tu cumules sur cul, ça tue le stupre. Djidjidjif, djudjudu. Expéditif, substitut. Le juc juste du, gicle et gifle, joui fictif, juste au-dessus, au bord de collant. Donc c'était l'ortolan. Et maintenant, l'alouette Lulu dit du lit. Ridicule hurliberli qui dilue ton petit lu dans le jus des turlupinis. Lubrique mieux tes lubies. Tu t'inutiles du bitatif. L'orbite turbide qui libellule quand l'adulé ondule du cul dont inabule les tubes du lit. Aux plumes abrupties. Tifotis des stimuli. Une pilule qui trute, habilite ou lutinée en ludique lutte que ma luette t'illuminule. Didudli, didudidlul, ti jubile pris du bidule, mais si triture l'épi du dream, l'ultime oubli du stress tacule au pli de la rime. Bravo. Il faut répéter combien de temps pour être capable de lire de tels textes? C'est plutôt un travail global, c'est-à-dire qu'à force de travailler sur les sons, sur les choses comme ça, on a une familiarité. Le fait de travailler sur Jean-Pierre Verhaeghen, par exemple, ça aide aussi pour des textes comme ça. Et après, là, j'en ai choisi deux avec qui j'avais des affinités, parce qu'il en a écrit plein. Il a fait ça avec plein d'oiseaux, c'est extraordinaire. Il y en a, on arrive à les lire et on se dit, je sais pas si je pourrais le dire, parce que c'est. Mais voilà, j'aime beaucoup parce que c'est ce rapport de la poésie qui, à la fois, c'est plein de mots qui existent ou qui n'existent pas, ça raconte des choses, mais il y a voilà, le rapport au son fait qu'on entend des oiseaux, on y croit, quoi. Il y a quelque chose de et cette puissance-là de la poésie. Ça dépend quand même de qui lit, à mon avis. Et c'est un travail. Non, de porter la poésie, c'est un travail et c'est un. Et ça demande, oui, c'est très particulier. Ça demande un travail de, il faut dire et il faut écouter en même temps ce qu'on dit. Je reviens à cette chose du dialogue. Je crois que dire un poème, c'est aussi dialoguer en même temps qu'on le dit. Moi, c'est comme ça que je l'entends, c'est que je le fais résonner, je l'entends résonner, et c'est entre les sons et le sens, quoi. Est-ce que vous connaissez l'anagramme qui dit le lien entre physique et poésie? Anagramme qui m'a été envoyé par Olivier Garcia. Non. Les lois physiques de la nature ont pour anagramme les aléas d'un sophiste lyrique. Donc les lois physiques de la nature sont les aléas d'un sophiste lyrique. Ça vous parle, j'imagine. Oui, enfin, après les sophistes, c'est pas toujours. Mais oui, c'est très beau comme phrase. Mais attendez, parce que moi, là, je vais pouvoir contre-attaquer pour cette fois, hein, puisqu'on parle d'anagramme. Mon ami Verhaeghen. Encore lui. Voilà. A écrit un poème, si je le retrouve, autour de l'anagramme de son nom. Et évidemment, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Un poème qui s'appelle « Poème pour finir en enfer ». L'anagramme de vos noms et prénoms est parfois une terrible révélation sur votre avenir. Ne peut-on pas déjà lire dans le mot « Révolution française » à trois lettres près, sans doute de cachet, l'ébauche prémonitoire d'un Corse la finira? La mienne va entièrement dans ce sens-là, qui, après m'avoir fait toucher le fond des bas-fonds portuaires, m'envoie, à travers les flammes de l'enfer, saluer Pluton. C'est, en effet, me dit mon ami Jean-Luc Dive, un scrabbleur de génie, « Pègre, GN, j'arrive, l'anagramme de Jean-Pierre Verhaeghen ». Je vérifie et revérifie, le compte est bon. Et le mien aussi, d'une certaine façon. Ah, j'aurais préféré m'appeler Cacao von Houten au lieu de ce Jean-Pierre Verhaeghen. Mais voilà, on se refait pas. On a sa famille, sa généalogie et ses aléas jacta patatras. Bon, j'irai donc voir un jour tous ces réprouvés et damnés de la terre à qui des aigles, sales bêtes, bouffent le foie en ricanant ou passeraient mon temps à manger, comme par compensation, ce tartare d'au-delà que j'appréciais tant ici, au capre, aux petits oignons et à la mayonnaise Taras Bulba. Ou d'autres fois, je voyagerais dans la barque de Caron, entre le Styx et le Cocyte, que je m'entêterais à nommer le Coccyx, l'Achéron et l'imprononçable Piriflégéton, qui à sa vue vous gonfle de phlegmon et vous fiche à jamais le plus éternel des jetons. Bon, j'arrive donc, mais à petits pas, cher démon. Vous avez cherché votre anagramme, Léon Bonafé? Vous m'avez dit une fois pour mon prénom, c'est Léon à l'envers, c'est Noël, donc ça, je peux vous dire que tout petit, j'en étais très très ému, moi maintenant. Et Bonafé, j'ai pas cherché. Guillaume Apollinaire, ça donne luminaire à la goupille. Ça lui va bien. Ouais. Edgar Morin, qui n'est pas spécialement un poète, mais pourquoi pas? Il vient d'apprendre, parce qu'on l'a aidé, qu'il vient d'avoir 100 ans. Hein, et Edgar Morin a pour anagramme Marie Grondet. Il a un nouveau regard sur sa vie conjugale. Ah, ça peut être très déroutant, les anagrammes. C'est très poétique pour ça. Encore une fois, c'est toujours cette chose de décaler légèrement sa vision du monde, son angle de vue sur le monde. Et l'anagramme, ça peut bien placer un anagramme, ça peut apporter ce jeu-là de rapport au monde. Et j'avais cité en introduction Léo Bonnafé, Saint John Perse, et dans le discours que j'ai en partie cité tout à l'heure, il dit ceci: mais du savant comme du poète, c'est la pensée désintéressée que l'on entend honorer ici, qu'ici du moins ils ne soient plus considérés comme des frères ennemis, car l'interrogation est la même, qu'ils tiennent sur un même abîme, et seul leur mode d'investigation diffère. Mais ça sous-entend que, à la fin, la science et la poésie se retrouvent. Est-ce que vous y croyez? Bah, c'est une idée que j'aime beaucoup, en tout cas. Déjà parce que j'aime pas cette tendance qu'on a toujours à vouloir tout mettre dos à dos ou tout confronter, en fait. Évidemment qu'elles se retrouvent. Évidemment, parce que... Elles sont donc pas ennemies? Non, elles n'ont aucune raison d'être ennemies. La poésie n'a pas d'ennemis, en fait, à proprement parler, si ce n'est peut-être les censeurs et les limitateurs de sens et les... Donc, ça en fait quelques-uns. C'est un peu trompé d'ailleurs sur le principe d'indétermination, d'incertitude dont vous êtes le spécialiste. Spécialiste. Il dit le principe quantique d'incertitude et d'indéterminisme qui limite à jamais l'exactitude même des mesures physiques. Ah oui, non, ça limite pas. Ça, c'est une erreur. Je sais, j'ai lu du Étienne Klein, donc j'ai appris que parfois on croit à tort que c'est une limite des connaissances, alors que non, c'est un état des lieux. Mais vous êtes d'accord pour dire que certains résultats de la science peuvent provoquer une émotion de type quasiment poétique? J'imagine. En tout cas, moi, je sais que quand je me suis intéressé, quand je lis des choses sur Einstein, sur la relativité générale, la physique quantique, etc., c'est très émouvant, les découvertes. Et puis Einstein, pour ça, il est incroyable, parce que ces exercices de pensée qu'il fait, cette capacité à se dire qu'est-ce qui se passe si je chevauche un rayon de lumière, c'est quasiment ça, ou... C'est un acte poétique. C'est une façon de se projeter, en fait. C'est de se projeter dans une autre façon de voir le réel. Donc c'est très émouvant. Enfin, moi, ça me fascine, de toute façon. Et inversement, quand vous connaissez ou quand vous comprenez un résultat de la science, vous pouvez rencontrer par hasard une façon de le dire qui est tout à fait poétique. Par exemple, la nuit, il fait nuit, le ciel est noir. C'est un grand problème parce qu'il y a tellement d'étoiles que normalement il devrait faire jour, y compris la nuit. Donc on a fini par comprendre d'où il vient que la nuit fasse nuit, mais en même temps, un peu de temps après, on a découvert que dans le ciel nocturne, il y a toutes sortes de rayonnements qui sont invisibles à l'œil. Donc la nuit, en fait, elle est éclairée d'une façon invisible. Et Barjavel qui écrit « La nuit n'est nuit que pour nous, ce sont nos yeux qui sont obscurs ». Ouais, tout est dit comme ça. La force de la poésie, c'est aussi quand même cette capacité en quelques mots à résumer des mondes de pensée et à réveiller plein de choses. C'est qu'au-delà de ce que ça dit très concrètement, ça évoque beaucoup de choses. Et je pensais à Saint John Perse aussi. C'est Louis Kuttner, qui était un auteur belge, qui a cette très belle phrase sur Saint John Perse. Il dit: Saint John Perse, mais il a mis le temps. Voilà, ce qui n'est pas totalement notre sujet, mais c'est aussi une belle façon de décaler la réalité du poète. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire, Saint John Perse, mais il a mis le temps? Je crois que c'est très mal passé à l'époque, parce que Saint John Perse était une figure très respectée, donc faire de l'humour avec ça. Donc je me demande si c'était pas une façon de dire, il y en a d'autres des poètes, peut-être que c'est ça qu'il voulait dire. Quelle est la suite de votre carte blanche, Léon? On n'a plus beaucoup de temps. Alors, si je voudrais quand même faire entendre, parce que je l'aime beaucoup, et puis, oui, on n'a pas parlé d'amour encore, il me semble, ça me paraît, j'ai l'impression que... Pas directement. Non, pas dire, voilà. Mais ça, c'est, vous me direz après, mais il me semble qu'en science, comme en poésie, l'amour est un moteur déterminant, malgré tout, dans cette envie de faire avancer les choses. Et je voudrais dire un texte de Valérie Rousseau, à cette poétesse dont j'aime énormément le travail. L'amour continuera sans moi, l'amour vivra plus vieille que mes oreilles, mais bon Dieu, Dieu muet, bon Dieu, Dieu que pour toi j'avais, ma peau combien et mes syllabes de chagrin, mes pieds, ma tête et mon cœur, ça fera rien d'amour, d'amour, tu m'en diras tant mieux, les yeux en pluie, les yeux en neige, Les mains, ni une, ni deux. Alors Valérie Rousseau, J'aime beaucoup son travail parce qu'elle... au fur et à mesure qu'on avance dans le poème, elle nous perd. Elle nous perd avec les sons, elle part de phrases très simples, de choses presque enfantines, et puis d'un coup, ça prend une profondeur, ça prend une gravité, et puis ça termine aussi souvent par des bons mots, par des mots plus joyeux. Donc j'avais envie de la faire entendre un peu, ici, dans cette carte blanche. Et je peux aussi... On n'a pas parlé tellement, finalement, de l'Oulipo ou de... Un peu avec Queneau tout à l'heure. Un peu, voilà, on a évoqué Queneau. Est-ce que la contrainte est féconde en poésie? Alors, très. Parce que c'est ce que j'aime bien, c'est que finalement, les poètes se sont libérés des contraintes. On est passé d'un quelque chose de très, très stylisé, très marqué. Mais c'est comme s'ils passaient leur temps à s'en remettre et que, quelque part, de jouer à glisser des alexandrins dans des vers libres, etc. Il y a quelque chose... Il faut toujours se mettre une contrainte. Et... Oui, je voulais peut-être faire entendre, voir les dangers de ce que ça peut faire quand certains poètes peut-être sont trop scientifiques. Ça les emmène très très loin. Et ici, je voudrais faire un texte de Jacques Rebautier, qui est auteur, comédien, compositeur et qui aime beaucoup les mathématiques et qui fait partie de l'école de l'Oulipo. Et je voudrais juste partager avec vous le chant des bananes. Nous, les bananes, savons fort bien que l'univers est courbe. Premier couplet. Les bananes sont sages. Les bananes s'accouplent comme des images ou des visages à voir. Les bananes ont le droit pour elles et n'en pensent pas plus. Refrain. Tournez, boulez, boulez, versez, tournez, virez, voltez, roulez, boulez, boulez, girez, girez, virez, virez, rotez, rotez, boulez, boulez, voltez, voltez, versez, versez, girez, girez, girez. Ce sera vraiment toujours la loi des bananes. Pof. Tournelle, drrr, tiki tiki, drrr, tiki tiki, drrr, tac et tacoto, tiki tiki. Deuxième couplet, les poireaux poussent tout droit pour mieux voir si le monde est froid, le monde est vraiment froid. Et aussi les asperges, les présidents, les bouts de temps. Re-refrain, tourner, bouler, bouler, verser, tourner, virer, volter, rouler, bouler, bouler, girer, girer, virer, virer, roter, roter, bouler, bouler, volter, volter, verser, verser, girer, girer, girer. Ce sera vraiment toujours la loi. Des bananes, pof. Tournelle, drrr, tiki tiki, drrr, tiki, titi tiki, drrr, tac et tacoto, tiki tiki. Troisième couplet, Dr. Winston dit, la lumière est nettement crépusculaire, c'est très clair, et la matière a peur du noir. 57 ondes de terreur dans le dos de la terre. Frein. Tournez, boulez, versez, tournez, virez, voltez, roulez, boulez, boulez, girez, girez, virez, virez, rotez, rotez, boulez, boulez, voltez, voltez, versez, versez, girez, girez, girez. Ce sera vraiment toujours la loi des bananes. Pof. Nous, les bananes, savons fort bien que l'univers est courbe. Incroyable. Voilà. Est-ce que trop de science ne nuit pas parfois aux poètes? C'est aussi... Non, mais vous savez, quand le deuxième fils d'Einstein lui a demandé « Papa, pourquoi est-ce que tu es célèbre ?» Einstein lui a répondu... Si un scarabée aveugle marche sur une banane, il ne se rend pas compte qu'elle est courbe. Moi, j'ai compris ce que le scarabée aveugle ne peut pas voir, à savoir que l'espace est courbe. Ben voilà. Donc comme quoi, Jacques Rebautier avait un très bon instinct. Ah, un très bon instinct. Alors je crois qu'il y a un dernier poème que vous tenez absolument à lire. Il dure quelques minutes et donc ça va être le moment. Dans le timing. Oui, un peu. Alors, évidemment, encore une fois, terminé avec Jean-Pierre Verhaeghen. Avec le poème qui s'appelle « Des bavards magnifiques ». Que vous soyez champion du caquet sonore, artiste de la dipa-dipa prolixe, péronnelle du clapot, diseur de diri normande, baveux volubile, plaisantin casse-nerf, hurleur virtuose, craque de l'enchaînement subtil, prêcheur dans le désert, damioche de la parlure, héros forain, discoureurs à la galope, tribun de la drouille rimée, lanceur de vannes, racus peau, mêle-tout, diplômé espotin, jargeau de la Creuse, bredouilleur wallon et babeleur bruxellois, canlette sur le pas de la porte, envoyeur l'enlaire, patoisant haut en couleur, tailleur de bavette hors norme, colporteur de jérémiade, politicard bourmou, débiteur de truisme, goguenardier, trublion, mille goules, as de la tchatche, parleur gaga, cancanier madame, invité aux noces pour leur faconde, crieur sur tous les toits, phraseur doué en subjonctif onctueux, contrefacteur du trémolo beldoche, paplos du bamen, tapeur de bruit qui court, rabâche merde, jureur sur leur grand dieu, Lavette à ressort, zézé qui zézé du nez, déconneur tartignol, marmonneur du gros des dents, blagasse bordelaise, infatigable baisse-cul paplard, rembarreur aussi sec, plaignot de gindrie, lèche-boujoute tout miel, mari, nounou, langue de vipère, cicerone pontifiant, complimenteur gros comme une maison, orateur boissonné, déparleur franc picard, bouffe-mot tout cru, galégeur fan de cherchoule, pousseur de U, de A et d'oplala biscornu, causeur beau prometteur de bébé, barboteur chic et tchac, babillard picaresque, distributeur automatique de sornettes, inconditionnels adeptes du blabla souverain, monologuiste, ravi de s'écouter s'entendre, moulin à paroles doucereuses, concierges à radio-trottoir ou professionnels de la déclichette verbale, tout poète, impénitent bavard lui-même, et pour peu qu'il vous soit un rien reconnaissant, vous dira qu'il vous doit beaucoup, infiniment beaucoup. Chers collègues. Merci, Laurent Bonafé. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette recherche esthétique qui anime les poètes n'impose nullement à la vérité une forme de dégradation ? Au contraire, il y a une forme de révélation. Oui. Mais en l'occurrence, dans un poème comme celui que vous venez de lire, quelle est la vérité qui vous semble surgir ? La vérité, c'est que personne, et en tout cas jamais les poètes ne travaillent jamais seuls. C'est des récepteurs, des chambres d'écho. C'est ça que raconte pour moi, entre autres, Verhaeghen là-dedans, c'est que il prend tout, même les gens qu'il en a marre d'entendre parler, même les gens fatigants, il est redevable à ce qu'il fait tous ces bavards impénitents, comme il dit. Il est redevable à la foule des gens, et je crois qu'il y a beaucoup ça dans la poésie. C'est dire, je voulais terminer ça parce qu'il dit merci. Il dit merci à tout le monde. C'est un acte d'amour, la poésie, je crois, et surtout de réception. On réceptionne et on redonne, on retranscrit pour donner une forme différente, mais voilà, je crois qu'il y a... C'est nous qui vous disons merci. À propos du 26 juin, là, à propos des échos d'Hugo, oui. S'il y a encore des places Il y a encore des places, on peut réserver sur le site du Panthéon, qui est panthéonparis.fr. On a mis le lien sur le site de l'émission, France Culture. Oui. Donc merci à vous, Léon Bonafé, d'être beaucoup, venu à la conversation scientifique. C'était un plaisir, on se retrouvera, je l'espère, l'année prochaine. Croisez doigts. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Ludovic Augier et à la réalisation Anna Holweck. Tout de suite, c'est-à-dire vraiment maintenant, dans un instant, vous retrouverez Olivia Gesbert pour En français dans le texte. L'esprit d'ouverture.